DJ Mams, Ducale, Soldat Jaman, 1, 2, 3, 4, 5. Yo, Hezla, Hezla, Moldak, Mohani, Hao, Undo, Tamo, Ko, Wani, Hash, Halla, Halla, Itiashan, Halla, Hela, Degale, Hela, Degale, Hela, Degale, Ochoko, Ichi, Degale. C'est pas compliqué, suffit d'accélérer. C'est pas compliqué, c'est le Hela, Degale. J'espère que tu ressens la chaleur qui vient délivrer les âmes et les cœurs. Il est l'heure que tout le monde donne le monde.